Soyez les bienvenus à notre émission dont voici le sujet. La vaccination obligatoire, protection ou mise en danger de la santé. Mesdames et messieurs, du 20 au 25 avril a eu lieu la semaine européenne de vaccination de l'OMS. Sous la devise « Ne donne pas de chance à la rougeole », l'Office fédéral de la santé suisse a profité de l'occasion pour attirer l'attention sur la vaccination contre la rougeole. La Suisse et l'Allemagne se sont engagées à atteindre l'objectif de l'OMS qui était d'éradiquer la rougeole pour 2015. Pour atteindre cet objectif, on parle actuellement, surtout en Allemagne, de rendre obligatoire la vaccination contre la rougeole. Dans d'autres pays, comme le montrent les exemples qui suivent, la vaccination obligatoire commence à faire son chemin. En France, le Conseil constitutionnel a donc décidé, je cite, « Les personnes chargées de l'éducation des enfants sont obligées de faire vacciner ceux-ci contre le tétanos, la diphtérie et la polio. Les contrevenants à cette obligation de vaccination peuvent être punis avec des amendes allant jusqu'à 30 000 euros et un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. » Fin de citation. En Serbie, le Parlement a décidé le 3 avril que les vaccinations peuvent être forcées. C'est le médecin seul qui peut décider si un enfant doit être vacciné. Si les parents refusent de faire vacciner leur enfant, ils ont des amendes à payer. De même, l'Australie intervient de plus en plus durement contre les objecteurs à la vaccination. Pour les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants, les réductions d'impôts et les aides pour garde d'enfants seront supprimées à partir de 2016. Mesdames et messieurs, sur ce point-là, bien sûr, se pose la question suivante. Est-ce que dans ces pays, la santé de la population peut être améliorée par la vaccination obligatoire? Quelles sont les expériences faites dans le passé en ce qui concerne les vaccinations? Totalement ignorée du public, a eu lieu en 2000 une réunion qui rassemblait de hauts responsables du CDC, qui est l'autorité des épidémies des États-Unis. Les principaux spécialistes de la vaccination de l'OMS et des représentants de tous les grands fabricants pharmaceutiques de vaccins. Ils se sont réunis à l'invitation du CDC pour discuter d'une nouvelle étude inquiétante. L'épidémiologiste du CDC, Ton Verstraeten, avait analysé une base de données à grande échelle avec un enregistrement médical de 100 000 enfants. Selon ces données, un conservateur à base de mercure contenu dans les vaccins, le thiomersal, était responsable de l'augmentation dramatique des cas d'autisme, ce qui est chez les enfants un dysfonctionnement irréparable de la perception et du traitement des informations dans le cerveau. Verstraeten avait aussi mentionné des études anciennes qui montrent également un lien entre le thiomersal et des dysfonctionnements comme le défaut d'élocution, le déficit d'attention, l'hyperactivité et l'autisme chez les enfants. En dépit de ces résultats, le public n'a pas été informé des dangers de ces vaccins mercuriels. Les fonctionnaires et managers rassemblés discutent plutôt de la manière dont on pourrait dissimuler ces données qui contiennent ces informations catastrophiques. Afin de s'assurer que la banque de données ne peut plus être utilisée pour les recherches, le Service administratif de protection contre les épidémies a isolé sa banque de données en la transférant sur un établissement privé, la America Health Insurance. Il est vrai que le fabricant du vaccin a supprimé le thiomersal des injections pour les enfants. Mais jusqu'en 2004, les enfants ont toujours reçu les vaccins contenant du mercure. Mesdames et messieurs, s'agit-il d'un cas isolé? Ou bien les informations sur les vaccins et leurs effets secondaires sont-elles cachées au public? Tout laisse penser que cette pratique est toujours courante pour dissimuler les accidents possibles dus aux vaccinations. Une étude, déjà publiée en 2011, avait analysé la mortalité des enfants en bas âge par rapport au nombre de vaccinations qui ont été administrées. En voilà le résultat. C'est aux États-Unis que les nourrissons reçoivent le plus de vaccins, avec 26 au total. Et pourtant, dans 33 pays, il y a une mortalité infantile plus basse qu'aux États-Unis. Les auteurs de l'étude tirent les conclusions suivantes. Dans des pays où plus de vaccinations sont demandées, la mortalité des enfants en bas âge a tendance à être plus haute. Le ministère de la Santé américain a publié sur son site un tableau sur les accidents de vaccination, ce que les médias principaux ne mentionnent pas non plus. Citation. Si certains symptômes, maladies ou troubles de l'état de santé apparaissent dans un certain délai après une vaccination, On suppose que le vaccin est la cause des dommages et de la détérioration de l'état de santé jusqu'au moment où une autre cause sera trouvée. Voilà les effets secondaires du tableau officiellement présenté en relation avec la vaccination contre la rougeole. 4 heures après la vaccination, choc allergique. 5 à 15 jours après la vaccination, encéphalite. Sur la notice d'emballage du vaccin de Merck & Co. contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, sont énumérés parmi les effets secondaires indésirables possibles les maladies suivantes. Encéphalite, crise de convulsion et symptômes d'autisme. De son côté, le célèbre spécialiste israélien des maladies infectieuses, Yehuda Schoenfeld, met la vaccination en rapport avec différentes maladies auto-immunes. Il dit à ce sujet, les vaccins ont pour effet que le système immunitaire se retourne contre lui-même. Un phénomène qui est connu sous le terme d'auto-immunité et que nous rencontrons très souvent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on pourrait continuer le reportage sur les vaccinations et leurs conséquences dangereuses, mais cela sortirait du cadre de cette émission. En résumé, il apparaît que la politique fait de l'obligation de vaccination un sujet de discussion et l'impose déjà partiellement au moyen de la loi, sans informer suffisamment la population sur les dommages de la vaccination ou même sans en parler. De plus, comme nous l'avons déjà montré dans plusieurs émissions, la question de savoir si la rougeole peut vraiment être éliminée par une obligation de vaccination est une question extrêmement controversée. Tant que dans le passé, le virus de la rougeole n'a même pas pu être éliminé dans des pays avec un taux de vaccination de 99%, tant que les sujets correctement vaccinés contre la rougeole ont quand même attrapé la rougeole, et tant que les effets secondaires comme l'encéphalite, des symptômes d'autisme et des maladies auto-immunes doivent être acceptés avec la vaccination contre la rougeole, l'obligation de vaccination reste une restriction dramatique de notre liberté. Il s'agit d'avancer contre cela avec toute détermination avant que la politique dans nos pays cède aux pressions du lobby pharmaceutique. Aidez-nous en diffusant ces informations. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une soirée enrichissante. Auf Wiedersehen.